Bonjour à tous, vous écoutez Podcast Science numéro 86. Aujourd'hui, on va écouter Alan qui va nous parler d'un sujet un peu spécial, comme d'habitude sur Podcast Science. J'ai nommé la myrmécologie. Donc, la myrmécologie, vous savez peut-être ce que c'est l'étude des fourmis. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vous parler de fourmis? C'est des bestioles plutôt insignifiantes. Bah, je vous laisse découvrir ça et puis c'est Alan qui va nous l'expliquer. Nous sommes le 17 mai et vous écoutez Podcast Science. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial de Podcast Science, parce qu'on est toujours en live comme auparavant, mais on a changé de diffuseur. Si Nico est là, je ne sais pas. Salut. Voilà, donc on est tous les deux ensemble. Et sinon, on a tout le reste de l'équipe. Donc, on a Alan. Salut, Alan. Salut, Franck. Salut, tout le monde. Marco, t'es là? Salut, les amis. Je suis là. Et puis, on a Hélène, qui est là aussi. Salut, tout le monde. Ok, voilà. Donc on avait des nouveautés pour la vie du podcast à vous annoncer. Alan, tu veux peut-être nous en dire un peu plus? L'idée, c'était d'adopter un nouveau système pour avoir un meilleur son, parce que c'était un peu le problème qu'on a rencontré. On a commencé à faire des lives au mois de janvier. NewWiz, la radio de l'innovation, s'était gentiment proposé pour nous héberger, pour nous diffuser, pour diffuser ce live, et puis avait mis gracieusement à notre disposition un studio virtuel qui était assez prometteur, mais qui fonctionnait pas très bien de notre configuration, parce que pour rappel, on est disséminé un peu aux quatre coins de l'Europe. Mes comparses de ce soir sont tous en France à différents endroits. Moi, je me trouve en Suisse. De temps en temps, on a Mathieu qui se trouve en Espagne. Donc voilà, on peut pas se réunir dans un vrai studio. Et puis NewWiz n'était pas tout à fait optimisé pour ça. Du coup, on a trouvé un nouveau système. En fait, on diffuse notre propre flux. Pour qu'on puisse nous trouver facilement, on a créé une nouvelle page web sur notre site. Donc c'est podcastscience.fm/live, et là vous trouvez un player, il n'y a qu'à appuyer sur play, enfin peut-être même pas, je crois qu'il n'y a qu'à charger la page, et s'il y a un live en ce moment, ben vous nous entendrez. Et puis du coup, on en a profité pour apporter 2-3 autres nouveautés que je vais tenter de vous énumérer. Je vais probablement en oublier quelques-unes si jamais tu ouais, m'aides. On sera là pour te rappeler si jamais. Ouais, okay. Excellent. D'abord, on va changer le jour du live. On va faire ça le jeudi à partir de maintenant et plus le mercredi. Tout simplement parce que ça nous arrange tous, enfin la plupart d'entre nous, et puis que ça nous a permis ce soir d'avoir Nico avec nous, qu'on n'aurait pas pu avoir hier par exemple. Nico qui a des talents inouïs, ce garçon, il est non seulement excellent mathématicien, excellent vulgarisateur, mais en plus il dessine, et puis ce qu'il s'est proposé de faire les soirs où il est là, les soirs de live où il est là, c'est de faire des illustrations en live, illustrations que vous pouvez voir donc au même endroit sur la page podcastscience.fm/live. D'ailleurs, en ce moment, on a une fourmi qui s'éclate sur cette page, c'est plutôt chouette. On a également un chat, bon ça on l'avait déjà, sauf que maintenant c'est un vrai chat qui est également disponible sur cette page. Et puis on ramène aussi les informations de Twitter, donc on a normalement tout au même endroit, ce qui devrait être plus simple pour nous aussi. Ça nous permet de tout gérer, ou presque, sur un seul écran. On avait un petit peu tendance à se perdre auparavant. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Une nouvelle importante qui concerne Hélène. Hélène, tu peux peut-être nous en parler? Ben, en fait, c'est lié au passage au jeudi. C'est que moi, ça m'arrange pas. Donc, je vais pas pouvoir être là. Enfin, je peux plus être là systématiquement. Mais bon, je reste dans le coin pour faire des dossiers de temps à autre. Donc voilà, je vais être nettement moins là. Mais... Ok, donc on passera à 4 membres. 4 membres réguliers, donc Marco, Nico, Alan et moi. Et bah toi, tu viendras de temps en temps, un peu comme Mathieu qui vient ou qui vient plus souvent s'il veut, mais qui est pas toujours là, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, c'était tout, Alan? T'avais d'autres, d'autres crois, trucs? Ouais. Non, je crois que c'est tout. Ok, bah alors on va partir sur ton dossier qui s'appelle donc des fourmis et des hommes. Exactement, ouais. Alors en fait, ça a démarré le 20 janvier dernier, quand s'est tenu le premier TEDx Lausanne. Donc les conférences TEDx, c'est pas exactement les conférences TED, c'est un peu comme de comparer un planning à un planeur à un Boeing, mais l'esprit est le même. En fait, c'est des conférences qui sont faites sous franchise TED. C'est bon pour la tête et on y fait des rencontres intéressantes. Et l'un des rares scientifiques sur la scène ce jour-là a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit de Laurent Keller, qui est professeur d'écologie évolutionniste à l'Université de Lausanne. Bon, jusqu'à ce moment précis, les fourmis, honnêtement, je m'en tapais un peu, mais voilà, il y a de ces moments dans la vie où on voit tout à coup. Anthropocentrique. Ouais, sans doute, sans doute. Mais ouais, il y a de ces moments dans la vie où on voit tout à coup le monde sous un autre jour, et puis c'en était un. Donc j'ai sagement attendu la pause, et puis je suis parti gaillardement à la rencontre de Laurent Keller, après son intervention, pour lui demander une interview. Alors, il est super sympa, on s'est tutoyé tout de suite. Il m'a fait comprendre qu'il avait un emploi du temps qui frisait l'impossible, mais qu'il trouvait la démarche du podcast originale et sympathique, et qu'il arriverait bien à dégager un petit moment pour répondre à mes questions. Alors, bon, depuis, j'ai eu l'occasion de me documenter un petit peu sur le personnage. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est une sommité mondiale dans sa spécialité. Il a été le premier, par exemple, à séquencer le génome de la fourmi de feu. Ouais, la fourmi de feu. Tu peux nous préciser ce que c'est la fourmi de feu, Alan? Ouais, va savoir pourquoi. Est-ce un personnage des Pokémon? je m'attendais un peu à la question. Alors, sur son petit nom académique, c'est Solenopsis invicta. En fait, c'est cette fameuse espèce envahissante sud-américaine qui est extrêmement agressive, qui se répand partout, qui s'est répandu par accident. Donc ce sont les hommes qui les ont fait débarquer, notamment en Asie, en Amérique du Nord, en Australie. Et puis elles sont super, super intéressantes à étudier, parce que certaines d'entre elles sont très agressives en fonction de leur rôle, alors que d'autres pas du tout, alors qu'elles ont le même génome. Donc ça présente vraiment un intérêt pour comprendre la génétique de l'agressivité. Et puis bon, donc il se trouve que Laurent Keller et son équipe ont été les premiers à séquencer le génome de cette fourmi. Bon, accessoirement, il donne des conférences sans arrêt aux quatre coins de la planète. Il compte une quantité astronomique de publications à son actif. Il est cité. Il fait partie de nombreux comités de lecture. Il siège dans de nombreuses associations. Bref, franchement... Oui. Sur les fourmis, toujours, il publie ou juste en écologie? Son travail porte essentiellement sur les fourmis. Sur les fourmis, d'accord. Ouais. Okay. Et c'est un vrai miracle qu'il ait trouvé un moment pour le podcast. Voilà, moi j'y vois la marque de modestie des tout grands. Ouais, ben, un immense merci à lui alors, parce que c'est vraiment appréciable quand des spécialistes donnent de leur temps pour des amateurs comme nous. Effectivement. C'est clair. Alors, vous devez vous demander à ce stade ce qui a bien pu m'épater comme ça dans sa présentation à TEDx. Alors, ben, je vais tâcher de vous en faire un compte-rendu. Donc, Laurent Keller a commencé en indiquant qu'il allait montrer les analogies entre un animal social dont on avait beaucoup parlé dans le reste de la conférence, l'homme, et un autre animal social, la fourmi. Et puis, il a d'abord proposé une petite expérience mentale. Supposez que vous soyez dans une forêt tropicale et que vous pesiez tous les animaux que vous y rencontrez. Bah, c'est ce qu'on appelle la biomasse. On ne parle pas du nombre d'individus, mais de leur poids cumulé. Alors on constaterait immédiatement que certaines espèces sont plus importantes que d'autres. Dans ces environnements, les fourmis et les termites comptent pour un tiers de la biomasse animale totale. Et la proportion de vertébrés, comme les oiseaux et les mammifères, est bien plus faible en comparaison. Le poids des fourmis dans la forêt tropicale est plus important que celui de tous les vertébrés réunis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont sociales. Et en étant sociales, elles peuvent influencer leur environnement. Elles déplacent parfois des tonnes de terre pour bâtir leur colonie, tâche tout à fait évidemment impossible sans une coopération étroite entre les individus. Et pour alimenter ces colonies, qui comptent parfois plusieurs millions d'individus, les fourmis recourent à l'agriculture, en élevant par exemple des champignons. Avec des méthodes plutôt sophistiquées, elles utilisent par exemple des enzymes comme agents de croissance. Bon, dès que j'ai eu Laurent Keller sous la main, évidemment, j'ai voulu en savoir plus. Alors, je vous passe un petit extrait de l'interview. Il y a pas mal d'espèces de fourmis qui élèvent des champignons. Elles se nourrissent ensuite essentiellement de ces champignons. Et ça, elles l'ont inventé il y a environ 70 millions d'années. Donc, l'humain, on a inventé l'agriculture il y a 1 000 ans, 10 000 ans. Donc, elles ont inventé l'agriculture bien avant nous. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles élèvent des champignons qu'on ne trouve plus d'ailleurs de manière naturelle. Ces champignons peuvent se développer seulement grâce aux fourmis. Et une reine de fourmis va partir avec le champignon, avec des spores de champignons qu'elle va prendre avec elle pour fonder sa nouvelle société. Et tout de suite, quand elle sera toute seule, elle va commencer à élever un champignon. Et les ouvrières qui vont naître ensuite vont aller chercher des feuilles. pour donner un substrat sur lequel le champignon pourra se développer. Et elles produisent aussi des substances pour réguler la croissance du champignon, des engrais, mais elles produisent aussi des antibiotiques, elles ont des bactéries spéciales qu'elles élèvent aussi pour éviter la croissance d'autres types de bactéries ou bien de champignons sur le champignon qu'elles ont, parce qu'il y a aussi des champignons parasites qui peuvent s'élever là-dessus. Donc les fourmis ont mis tout un système en fait de protection d'élevage de leurs champignons. Et elles empêchent le champignon aussi de se reproduire tout seul en fait. L'oblige de se reproduire de manière asexuée, donc le champignon ne fait plus ce que nous on appelle les champignons, en fait c'est une sorte de mycélium, mais elles empêchent la création du champignon qui se reproduit, parce que c'est coûteux pour elles et que ça ne ramène pas de la nourriture. Donc elles se nourrissent uniquement du mycélium et empêchent la reproduction sexuée de ces champignons, qui est une des raisons pour laquelle certains d'entre eux ne se retrouvent plus du tout à l'état naturel. D'accord, elles ont presque inventé les OGM finalement. Alors, elles ont inventé les OGM. Disons, elles évitent plutôt de mélanger les différents champignons, parce qu'il y en a différents champignons qui sont de la même colonie. Ils vont être en compétition pour croître plus vite et ce n'est pas toujours favorable à une croissance, disons, à une productivité plus grande pour les fourmis. Donc, elles essaient de garder une seule. Elles font de la monoculture comme nous, en fait, avec nos cultures. Avec nos céréales. Vous avez des questions à ce stade? Ouais, moi j'aurais une petite question, Alan. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'est le mycélium exactement? Je la voyais venir aussi. Allez savoir pourquoi. Le mycélium, c'est la partie végétative du champignon. Je sens que Franck va être beaucoup plus calé que moi pour t'expliquer ce que c'est que la partie végétative d'un champignon. Oui, en fait, c'est la partie qui ne sert pas à la reproduction, quoi, qui est la partie qui sert à se multiplier, à croître sans reproduction, quoi. D'accord. Donc le champignon ne peut pas se reproduire, mais simplement il croît et ça fait ça produit de la bouffe pour les fourmis, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et bon, dans sa présentation au TEDx, Laurent Keller indiquait également que les fourmis n'ont pas recours qu'à l'agriculture pour se nourrir. Alors j'ai là aussi, bien sûr, voulu en savoir un petit peu plus. Nourrir 7 milliards d'humains, c'est devenu un challenge. Aujourd'hui, les fourmis, elles ont pas ce problème, elles se débrouillent toujours dans leur environnement. Alors les fourmis, en fait, y a quand même beaucoup d'espèces de fourmis, environ 10 000 espèces de fourmis, et la source de nourriture varie d'une espèce à l'autre. Et en fait, il y a beaucoup d'espèces qui vont se nourrir du miel à des pucerons, et qui est une source de nourriture très importante, c'est-à-dire les pucerons ou d'autres types d'insectes vont manger la sève des arbres, donc ça c'est une très grande quantité, et ils vont rejeter beaucoup d'acides aminés, de sucre disponibles pour d'autres organismes, et les fourmis en particulier. Et puis après, ils vont se nourrir aussi de déchets d'insectes ou d'autres types de nourriture. Donc en fait, c'est assez large, différents types de nourriture, et il faut dire, elles se consomment aussi moins que les humains par unité de masse. Parce que l'humain, en fait, une grande partie de ce qu'on mange, c'est pour nous garder à la bonne température. Et qu'un insecte, comme il a une température qui est identique à celle de l'environnement, il est beaucoup plus efficace pour changer de la biomasse, de l'énergie en croissance, en fait. Donc, pour la même quantité de fourmis que d'humains, il faut probablement 10 fois moins d'énergie pour les fourmis que pour les humains. D'accord. Donc, elles ont trouvé l'évolution a trouvé finalement des systèmes plus rentables pour les fourmis que pour nous. Ouais. Bon, chez l'humain, ça peut être la même chose aussi. C'est-à-dire que si on mange des poules, par exemple, on peut avoir plus de nourriture, de viande pour la même quantité d'énergie qui est donnée, parce que les poules, elles ont aussi un sang qui n'est pas à une température aussi élevée que celle d'une vache, qui dépense aussi beaucoup d'énergie à nouveau pour garder son corps à 37 ou 38 degrés. Ouais, donc on aurait encore moyen d'optimiser finalement ce que les fourmis ont déjà fait il y a longtemps. Exactement. Ouais. On parlait à l'instant du miel-là des pucerons. Elles le sortent d'où ce miel-là? Elles élèvent les pucerons? Elles ont inventé l'élevage avant nous? Exactement. C'est-à-dire ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des pucerons. Elles sont capables de les déplacer d'un arbre à l'autre pour avoir plus de nourriture. Elles vont les mettre sur des branches ou sur des arbres où il n'y a pas de pucerons. Elles peuvent ainsi augmenter la quantité de nourriture. Donc en fait, ça c'est la traite des pucerons. Ça représente en fait le lait de la vache. Mais elles vont aussi manger leurs vaches. C'est-à-dire quand il y a trop de pucerons, elles vont les manger de la même manière Nous, on mange les vaches aussi pour la viande. Donc, elles vont prendre le lait, c'est-à-dire le miel à des pucerons et la viande des pucerons, et puis elles vont faire cet élevage en déplaçant les pucerons, comme on déplaçait aussi à l'époque les vaches d'un pré à un autre pré. Des questions sur l'élevage des pucerons ? Je fais mon professeur fun ce soir. Non, moi je trouve ça super intéressant, mais moi il y a seulement un truc qui me dérange, c'est que. Enfin, c'est dommage qu'on ne puisse pas demander en direct, mais il parle de ça comme d'une invention, mais en fait c'est pas vraiment une. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que. Est-ce que c'est vraiment une invention, quoi ? Non, c'est moi qui parle d'une invention, hein, c'est pas lui. Ouais. Je pense qu'il aurait fait gaffe à pas utiliser ce terme-là, justement. Ouais. Moi, mon point, c'est qu'on n'est pas les premiers, finalement. On se targue d'avoir inventé l'agriculture et l'élevage, il existe déjà. Ouais. Mais il existe, c'est bizarre à dire. En fait, elles l'ont découvert, mais de la même manière, on peut dire que c'est une invention au même titre que nous, on l'a inventé, quoi, en fait. Y a pas de, c'est une même, c'est sur un même plan, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est que ouais. Pour un animal, on aurait tendance à dire que quand il a un comportement qui est entre guillemets intelligent comme ça, c'est pas de l'intelligence, tu vois, c'est autre chose. Mais finalement, il n'y a rien qui permet de différencier que nous, quand nous on fait l'élevage, que quand les fourmis font de l'élevage, c'est pareil. Il y a quand même certaines volontés, nous, derrière. Alors que mais est-ce qu'on a le droit de dire que c'est différent ou pas ? C'est ça, je vois ce que c'est la conscience, la volonté, mais au final, c'est pour faire les mêmes choses. Donc. C'est vrai que c'est une invention, quoi. Ouais. Ouais. Bon, puis je pense qu'on saura simplement jamais s'il y avait un projet conscient de la part d'une fourmi quand elle a commencé à traire les pucerons initialement. Mais c'est justement ça que je dis, c'est que même si c'est pas conscient, c'est pas grave. Au final, le résultat est le même, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Je crois que on applique un vocabulaire finalement qui trahit le prisme de notre manière de penser, de notre manière de voir les choses. Le fait est que c'est là, c'est tout. Après, ouais. Voilà. Bon, dans la suite de sa présentation, Laurent Keller a évoqué ensuite la division du travail avec un exemple assez spectaculaire, celui des fourmis peau de miel. Là, le dossier est publié, si vous voulez aller le voir sur le site, on voit à quoi ça ressemble. Donc, c'est des fourmis qu'on trouve dans les déserts australiens et du sud des États-Unis. Et certaines d'entre elles stockent de la nourriture dans leur abdomen pour nourrir leurs congénères en été quand il n'y a plus rien à manger. Et la photo qu'on voit dans le dossier, justement, montre que leur abdomen devient énorme, mais vraiment gigantesque, quoi. Elle ressemble à des fourmis. Ouais, elle ressemble à des pots de miel. Ouais, c'est ça, on dirait, tu sais, les sortes de petites billes en plastique là qu'on met dans les bains là. Ouais. Sauf que là, bon, dedans, c'est du miel ou du miel là ? C'est quoi la différence en fait ? Pourquoi on les appelle peau de miel ? Alors, ouais, bonne question, ouais. sur la différence entre le miel et le miel-là. Bon, là, je crois que c'est juste esthétique, en fait. Hein. On les appelle fourmis peau de miel parce que ça ressemble à du miel, à des peaux de miel, mais je pense pas qu'il s'agisse de miel. Le miel-là, au départ, c'est juste l'excrément des pucerons, et puis il se trouve que cet excrément est riche en sucre et en acides aminés. Il n'y a pas que les fourmis qui s'en servent d'ailleurs, il est parfois récolté par les abeilles en lieu et place du nectar pour produire du miel justement. Le miel, c'est complètement différent, il est fabriqué de toutes pièces par les abeilles, c'est leur réserve de nourriture pour l'hiver. Donc l'abeille stocke le nectar dans son jabot, c'est une espèce de poche en fait qui est là pour ça. Puis une fois qu'elle rentre à la ruche, elle le régurgite, et en le régurgitant, elle lâche quelques substances qui viennent de son jabot. Et tout ça, ça donne du miel. Donc c'est pas exactement la même chose, le miel et le miel-là. Je pense que le miel-là porte son nom... probablement à cause d'une ressemblance avec le goût du miel. J'ai jamais goûté l'idée de... Et donc c'est comestible pour l'homme ? Il y a des humains qui élèvent ou qui chassent par exemple ces fourmis-là pour extraire le miel-là, par exemple ? Bah, j'en ai jamais goûté, moi, personnellement. Ouais, je sais pas. Je sais que... Si, mais remarque, en Amérique du Sud, ils mangent les fourmis. Enfin, c'est des mangeurs d'insectes, donc peut-être que c'est... Ouais. Je sais que les fameuses fourmis peau de miel, là, sont très appréciées. Enfin, étaient autrefois très appréciées des gosses en Australie. Laurent Keller le disait dans sa présentation. Maintenant, des gosses, des enfants ? Ouais, les enfants. Ouais. Ah oui. Je voulais juste couper parce qu'il y a le dessin de Nico qui représente un champignon tel qu'on les voit. Et en fait, juste parce qu'on parlait tout à l'heure de la physiologie des champignons, et en fait, ça, ce qu'on voit, le chapeau du champignon, c'est les organes de reproduction, en fait. D'accord. Donc c'est pas le mycélium. En fait, le mycélium, c'est ce qui est sous terre et qu'on voit pas. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Parce que okay. Je vois que le dessin va partir. Allez-y, continuez, pardon. Excellent. Ah oui, il y a Rogada sur la chatroom qui nous dit qu'en Afrique, il y a des peuplades qui mangent les fourmis pot de miel. Ok. Ouais, ma foi, ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a un filon à prendre, on va importer le miel-là des fourmis en Europe, ça va peut-être marcher à fond. Ouais, voilà, ouais, une business. Une fourmi avec un petit goût de miel, c'est peut-être pas mauvais. Hein. Ouais. Mais enfin voilà, donc c'est intéressant sur cette question de division du travail, parce que c'est quand même finalement assez sophistiqué, on le voit. Ces fourmis, elles restent des mois sans bouger, elles font juste office de récipient. Alors voilà, après avoir posé le décor, Laurent Keller s'est posé la question des parallèles entre les fourmis et les hommes, justement, puis force est de constater qu'on en trouve pas mal. La coopération, bien sûr, constitue le premier point commun, donc tout comme une fourmi ne pourrait pas déplacer toute seule plusieurs tonnes de terre pour bâtir une gigantesque fourmilière, il est absolument inconcevable que des mégapoles comme Tokyo, New York ou Londres aient pu se construire sans un minimum de coordination. Et non seulement pour bâtir les cités, mais également pour les gérer au quotidien, il faut qu'on soit capable de s'entendre, de se coordonner et de coopérer. Ce qui amène tout de suite tout droit au deuxième point commun entre les fourmis et les hommes, c'est la modification de l'environnement. Donc la présence des fourmis a un impact important sur leur environnement, on peut assurément en dire autant des humains. Le troisième point qu'il évoque, c'est la sédentarisation, donc c'est une troisième similarité. Pour ne pas avoir à se promener toute la journée à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent, bah, il faut bien trouver de quoi se nourrir sur place, quand on s'installe durablement quelque part. Et les fourmis, comme les hommes, ont pour cela inventé, entre guillemets, l'agriculture et puis l'élevage, qui nous a permis de ne plus devoir sortir chasser. Et enfin, il évoque la division du travail qui a permis aux fourmis, comme à nous, de rendre les sociétés plus productives. Donc ces exemples-là sont assez évidents, mais Laurent Keller se demande après s'il y a d'autres similarités. Et puis oui, il y en a, et elles sont plutôt surprenantes. Laurent Keller, dans sa présentation, a choisi d'en évoquer deux. D'abord, la durée de vie des animaux sociaux. Alors on l'écoute à nouveau. Alors, donc les fourmis ont une très grande longévité. Effectivement, les reines peuvent vivre jusqu'à 30 ans chez certaines espèces de fourmis, ce qui, pour un insecte, est énorme. En fait, la durée de vie des reines de fourmis est environ 100 fois plus longue que ce qu'on trouve comme durée de vie moyenne chez les insectes. On a eu une augmentation de 100 fois en moyenne de la durée de vie avec l'évolution de la socialité. Et on peut retrouver des choses similaires chez d'autres espèces. Un, c'est ce qu'on appelle le ratopnu, qui vit en fait sous terre, qui est presque aveugle et qui a plus de poils en fait, et qui a une société très similaire à celle d'une société de fourmis, avec une reine et quelques rois qui se reproduisent, et entre 10 et 80 individus qui sont des ouvriers ou ouvrières qui travaillent dans la société mais ne se reproduisent pas. Et chez cette espèce aussi, on a une durée de vie qui est beaucoup plus grande comparée aux mammifères de même taille. Et ça, c'est à nouveau à cause de l'évolution de la socialité. Et aussi chez l'humain, en fait, l'humain a une durée de vie plus longue comparée à d'autres espèces, d'autres mammifères de même taille. Donc, d'une manière générale, l'évolution de la socialité, parce qu'il a permis de diminuer le risque de mortalité extrinsèque, c'est-à-dire le risque de mortalité à cause de prédateurs ou de parasites, à favoriser des mécanismes où on met plus d'énergie pour garder notre corps en bonne santé et qu'on vit plus longtemps. C'est pour ça qu'on a une corrélation entre socialité et durée de vie. D'accord. Donc la socialité, c'est une stratégie évolutive qui marche, finalement, qui marche bien. Tout à fait. Donc ça, on le voit en termes de biomasse, dans des fourmis ou des humains. En étant social, avec la division du travail, on peut augmenter la productivité et ainsi augmenter les effectifs de l'espèce. Beaucoup d'espèces qui sont très, en fait, qui ont beaucoup de succès écologique, ce sont des espèces qui sont sociales. D'accord. Toutes les espèces auraient intérêt à être sociales, finalement. Oui, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde d'être social. Il y a beaucoup d'autres niches où on ne peut pas développer ou des modes de vie qui peuvent exister où on ne peut pas développer la socialité. Donc ça, c'était pour le premier exemple de similarité qu'il a choisi d'évoquer. 30 ans pour des rennes, c'est incroyable. C'est complètement fou, hein. Ouais. Ah ouais. Je suis scotché là. Ouais, ouais. Mais chez les insectes, on vit quelques semaines, voire quelques mois, et puis là, on est dans un ratio qui est juste inouï, quoi. C'est comme si on trouvait des primates qui vivent 4000 ans. Mmh. Ah ouais, hein. Est-ce que tu peux rappeler juste ce qu'il a dit sur la diminution de la mortalité extrinsèque? Ça permet de faire quoi en fait? Alors, bah, ça permet simplement la longévité. La coopération, en fait, leur permet d'éviter de se faire bouffer, d'éviter de se faire exterminer. Ah oui, d'accord. Et de protéger la reine. Donc la reine. Donc la sociabilité permet de diminuer la mortalité extrinsèque, qui absolument permet d'augmenter la légitimité. Ouais. Ok, d'accord. Il y a... Alors... Oui, pardon. Ouais, j'allais dire parce qu'à un moment, il parlait du rat top nu. Alors, j'ai regardé la tête que ça avait, mais alors c'est super moche. Ah, c'est laid, hein. Ah, c'est extrêmement laid. Ah ouais. Attends, toi, tu dis ça, l'évolutionniste, tout le monde est égal, pas de. Ouais. Pas de différence. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être laid, quoi. On a le droit d'être laid quand même, d'accord. On peut être on a pas le droit d'être primitif, mais on a le droit d'être laid. Voilà, c'est permis. C'est permis. Okay. Non, mais Franck, t'as pas vu la gueule du rat taupe nu? Faut que j'aille voir. Ouais. Ouais, okay. Heureusement qu'ils sont aveugles d'ailleurs. Pour ils ne se dégoûtent pas entre eux. D'accord. Exactement. Y a quelques illustrations aussi dans le dossier qui sont intéressantes. Notamment, on voit une courbe que Laurent Keller avait présentée pendant son talk qui trace une ligne, qui montre la corrélation entre le poids de l'animal et sa durée de vie. Donc on voit effectivement qu'il y a une corrélation, quoi. Les souris vivent pas très longtemps, les éléphants vivent très longtemps, et puis tous les points se placent à peu près bien sur la droite, et on voit deux exceptions qui se dégagent nettement du lot. Bah, c'est effectivement le rat taupe nu et l'humain qui vivent beaucoup plus vieux que ce qu'ils devraient vivre s'ils étaient simplement soumis à cette corrélation. Je suis en train de regarder le dessin de Nicolas, désolé. qu'est-ce qu'il nous a dessiné? Un râteau. Oh là là. Parce que le râteau pnu, donc il a fait le roi des râteaux. Ok, je l'ai encore chez moi. Ok, l'autre exemple donc de similarité que donne Laurent Keller, c'est l'automédication. Donc chez les espèces sociales, quand un individu est contaminé, comme on a tendance à vivre les uns sur les autres, la contamination se répand très vite. Et vivre en groupe est un moyen parfait de disséminer les parasites, évidemment. Et les espèces sociales ont dû découvrir les antibiotiques pour lutter contre les bactéries. Encore un point commun. On peut étendre le concept de l'invention des mesures d'hygiène, à l'invention des mesures d'hygiène en général, et j'ai posé à Laurent Keller la question de la gestion des déchets chez les fourmis. Pour beaucoup d'espèces qui sont grégaires comme les fourmis ou bien chez l'humain, c'est un problème d'avoir des déjections, c'est-à-dire soit les excréments proches de où on vit, parce que souvent il peut y avoir des parasites. Donc, ce qui est bien, c'est de les mettre à distance ou de les enterrer, ou même un chat va enterrer, en fait, ses excréments. Alors, ce que font les fourmis, en fait, c'est qu'elles les mettent à distance. Et elles ont des sortes de cimetières dans lesquels elles peuvent aller soit mettre des excréments, mais elles vont aussi mettre des individus qui sont morts. Et le but, c'est d'enlever, en fait, de sortir tout le matériel où on peut avoir des parasites qui se développent pour que ça se fasse à l'extérieur de la société, pas à l'intérieur de la société. Donc c'est juste un système de propreté similaire à ce qui a été développé aussi chez l'humain. On essaye de mettre le plus possible nos saletés hors de nos villes, par exemple. Et c'était probablement un des facteurs les plus importants qui a permis une augmentation de la biomasse. C'était l'augmentation de l'hygiène et la diminution de morts par des maladies de virus ou type de... Oups. Pardon, j'ai fait une erreur. J'ai coupé juste avant la fin, donc il allait nous dire diminution de morts par maladies virales ou autres qui peuvent se propager rapidement dans une société qui compte une forte densité d'individus. Mmh. Ensuite, il a évoqué quelques différences, parce qu'entre les fourmis et les hommes, bon, on a d'abord une grosse différence de timing, c'est-à-dire que les fourmis sont apparues il y a quelques 100 millions d'années et leur complexité a évolué très rapidement. La socialité des humains, en comparaison, est toute récente. Hein. Laurent Keller indique que les premiers humains ont au maximum 2 millions d'années, et l'espèce était plutôt rare sur la Terre. Ouais, ça, 2 millions d'années, c'est Homo habilis, ouais. Ouais, c'est pas Homo sapiens. Homme moderne, c'est clair. 100 000 ans. Ouais. Et puis bon, il rappelle encore que l'espèce était plutôt rare sur la Terre jusqu'à très récemment. On est 7 milliards aujourd'hui, mais nous n'étions qu'une poignée de millions il y a seulement 2000 ans. Une espèce de mammifère comme une autre, quoi. On en rencontrait de temps en temps, comme on rencontrait d'autres animaux. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, nous sommes partout, et notre biomasse est absolument énorme. Et devinez quelle est la seule autre espèce avec une biomasse comparable ? Eh ben, c'est les fourmis, bien sûr. En fait, ça ne fait que depuis l'année passée que notre biomasse a rattrapé la leur. Et il a fallu pour cela que nous rattrapions notre retard sur elle, que nous inventions l'agriculture il y a 10 000 ans, que nous développions l'élevage, la division du travail, l'hygiène, les antibiotiques, la gestion de l'eau et par conséquence la baisse de mortalité qui nous a permis de vivre dans des cités aussi complexes que celles des fourmis. Alors bon, cette histoire de biomasse m'a beaucoup travaillé. Ouais. Si on empilait toute l'humanité sur une énorme place et toutes les fourmis sur une autre, ben, les montagnes seraient identiques. Donc là, il fallait quand même que je revienne un petit peu sur la question avec Laurent Keller. Les fourmis, elles sont là depuis des dizaines de millions d'années. Leur biomasse, elle est à peu près la même depuis 30 à 40 millions d'années. Et elle est à peu près équivalente actuellement à la biomasse des humains. Donc la biomasse, c'est-à-dire le poids de toutes les fourmis et le poids de tous les humains sur Terre sont à peu près équivalents. Donc ça veut dire que l'humain vient de rattraper la fourmi en termes de biomasse. D'accord. Et est-ce qu'on connaît d'autres insectes qui auraient une biomasse approchante ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel dans le règne animal ? Bon, parmi les autres insectes qui ont une grande biomasse, c'est aussi des insectes sociaux, les termites, les guêpes et les abeilles. Et c'est surtout dans les pays tropicaux où on voit que les insectes sociaux ont une très grande biomasse. Et puis après, il y a d'autres insectes qui sont communs, mais c'est surtout les insectes qui vivent dans le sol. Et il y a d'autres espèces qu'on voit beaucoup, mais d'autres espèces sont plutôt très communes en termes de nombre d'espèces. Par exemple, les coléoptères ont beaucoup d'espèces de coléoptères, peut-être jusqu'à 1 million d'espèces de coléoptères, mais c'est surtout, c'est moins en biomasse, c'est vraiment nombre d'espèces que certains autres groupes ont eu beaucoup de succès. D'accord. Le poids d'une fourmi par rapport au poids d'un être humain, ça dépend des espèces, ça peut être minuscule, mais c'est un dixième de milligramme. Il y a des espèces qui peuvent dépasser 1 milligramme. D'accord. Ça peut aller à 10, 20 ou 50 milligrammes, mais la plupart des espèces, les ouvrières, sont petites, elles pèsent moins qu'un milligramme. Donc on a une idée du nombre de fourmis que ça représente. Il faut plusieurs millions de fourmis pour faire un humain, donc on peut imaginer donc si on a 7 milliards d'humains, donc il faut multiplier par peut-être 10 millions pour avoir le nombre de fourmis. Bon, les amis, je ne sais pas si vous avez compris le message, les fourmis dominent le monde. 7 milliards, ça fait 7 10 puissance 9, ça fait 7 avec 16 zéros derrière, le nombre de fourmis. Ça va être quelque chose comme ça. Ah ouais, donc si on transpose en mètres, ça ferait la distance que parcourt la lumière en 7 ans en fait. Ok. donc la moralité, c'est que dès qu'on voit une fourmi, on l'écrase quoi, hein, sinon... Non. Mais tu seras d'accord avec moi, Alan, pour dire que si l'homme a rattrapé en biomasse les fourmis, c'est quand même grâce au procédé de... Comment c'est déjà ? Haber-Bosch. Haber-Bosch. Ouais. Ah là, je l'avais sur le bout de la langue. Ouais, c'est vrai, j'avais encore pas fait mon dossier. Je voulais faire genre, j'avais tout écouté de ton dossier, et puis je me suis plus rappelé du nom. Ouais, mais heureusement que pour une fois, je m'en souviens. Alors pour reprendre le fil, donc Laurent Keller a finalement terminé sa présentation TEDx en montrant quelques images issues d'une modélisation d'échange d'informations au sein d'une fourmilière. C'est assez intéressant, je vous invite à consulter la vidéo d'ailleurs qui est disponible à la fin du dossier. On peut représenter les interactions comme s'il s'agissait d'un réseau. Ça permet de modéliser les systèmes de communication en général d'ailleurs, pas juste entre fourmis. Et d'ailleurs, je lui ai demandé quels enseignements on pouvait tirer de ces observations pour l'informatique, par exemple. On l'écoute à nouveau. Alors oui, il y a certains programmes qui sont employés, qui sont basés en fait sur des observations qui ont été faites chez les fourmis. Et l'un de ces programmes, en fait, c'est pour la distribution de différents types de produits qu'on peut donner, par exemple, dans différentes villes. C'est ce qu'on appelle, je crois, le problème du voyageur qui doit, par exemple, aller visiter trop de villes pour amener quelque chose. Et la question, c'est quel est le chemin le plus court pour relier ces trop de villes? Donc, si on a trop de villes, c'est un problème très complexe parce que c'est 30 factoriels. Donc, il y a des millions et des millions de possibilités de relier les trop de villes les unes après les autres. Mais il y a une solution qui est plus courte que les autres 30 millions de solutions. Et c'est un problème difficile parce que il y a tellement de solutions que pour un ordinateur, on peut créer toutes les solutions, mais ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Et il existe des programmes qui sont basés sur ce que font les fourmis pour en fait trouver la nourriture, pour simplifier le problème. Et l'idée en fait qui est utilisée, c'est que les fourmis trouvent la nourriture, elles peuvent avoir deux chemins pour arriver à quelque part. Mais elle dépose une phéromone au retour. Et puis, en fait, quand il y a un chemin qui est plus court que l'autre, il y a un peu plus d'ouvrières qui peuvent faire l'aller-retour si elles sont fidèles au chemin qu'elles prennent. Donc, il y a un peu plus de phéromones qui se déposent parce qu'elles font un nombre d'allers-retours qui est plus grand. Donc, après un moment, le chemin le plus court, en fait, a un peu plus de phéromones que l'autre, qui est plus long, et les fourmis vont préférer le chemin le plus court et ainsi renforcer la différence de phéromones entre le chemin court et long, jusqu'à ce que tous les individus prennent le chemin le plus court. Et en fait, pour ce programme Problème des voyageurs, des algorithmes similaires ont été développés pour essayer de trouver des chemins plus courts pour relier en fait ces différents endroits. Et des programmes qui ont été développés à partir des fourmis sont employés maintenant par des grandes compagnies en fait pour savoir comment délivrer en fait des pâtes dans différents, par exemple la marque Brittany ou je crois même Migros employait en fait un système comme ça pour délivrer entre différentes succursales les aliments de manière la plus efficace possible. Voilà, et puis pour mes amis français, la Migros, c'est une chaîne de supermarchés en Suisse. Et le fameux problème du voyageur que Laurent Keller évoque, c'est le problème pour Nico, ça. C'est ça, ouais. C'est le problème du voyageur de commerce que Nico évoquait dans son dossier sur les algorithmes. Tout à fait, c'est un problème NP complet. Voilà. Donc, qui est très complexe à résoudre. Et que les fourmis ont résolu. Chapeau bas. Je ne suis pas sûr pour dire jusqu'où. Je pense qu'elles ont trouvé à mon avis, elles n'ont pas trouvé la solution optimale. Ça doit être comme les algorithmes génétiques. Elles doivent trouver une solution qui n'est pas trop mal. Mais il faudrait vérifier si c'est vraiment la meilleure solution qu'elles trouvent, en fait. Ouais, je pense que d'un point de vue mathématique, ça ne tient pas la route parce que c'est beaucoup trop empirique. Hein. C'est-à-dire qu'elles y vont, elles reviennent, elles y retournent, elles reviennent. Puis au bout d'un moment, on sait quel est le chemin le plus court. Ouais, voilà. Et même l'algorithme, je pense, n'est pas forcément... même si pour arriver au bout, il ne serait sans doute pas le plus efficace. Mais bon, c'était à titre anecdotique. Voilà. Mais tu vois, j'aurais jamais pensé qu'un insecte puisse avoir les mêmes préoccupations qu'un Nico. Comme quoi on est finalement tous sur la même planète. Donc voilà, bon, c'est bien sûr pas les seules applications, mais malheureusement on était un peu pris par le temps. En lisant depuis l'interview son excellent livre « La vie des fourmis » qu'il a écrit avec la journaliste scientifique Elisabeth Gordon, j'ai appris que les fourmis offraient des modèles que je n'aurais jamais soupçonnés. Par exemple, en observant la manière qu'ont les nourrices de l'espèce Leptothorax unifasciatus, j'espère que j'ai pas trop écorché la prononciation, en observant donc la manière des nourrices de cette espèce de trier le couvain en cercles concentriques selon leur stade de développement, les banquiers ont pu mettre au point des algorithmes permettant de classer les clients selon leur capacité de remboursement. Et donc selon leur capacité, ça leur a permis de traquer les mauvais payeurs. Faut le faire. Et les fourmis ont également inspiré une nouvelle forme de robotique qu'on appelle l'intelligence en S1. En imitant l'auto-organisation de groupes des insectes sociaux, on a pu mettre en place une forme de robotique collective. Alors tout ça est encore expérimental pour le moment, mais ça concerne notamment les fameux swarm bots inspirés de la théorie du gène égoïste et qui sont capables de coopération auto-organisée. Vous pouvez voir quelques vidéos, j'ai mis un lien dans le dossier, tout à la fin du dossier, parce que d'ailleurs le dossier est fini, fini pour aujourd'hui, mais enfin comme souvent, la porte est ouverte pour de nombreux autres dossiers, il y aura encore pas mal de trucs à dire. Voilà, voilà. Ouais, bah excellent, ça laisse son genre hein, quand même, toutes ces fourmis, on parle du génie humain, mais on devrait dire plutôt le génie myrmécéen. Myrmécéen, tu dis ? Myrmécéen, c'est comme ça qu'on dit ? Ça, écoute, sans doute. Ouais, enfin, ouais. À modérer, à relativiser, hein, ce génie. Bah, une fois encore, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est une question de vocabulaire. Ouais. C'est sans doute pas le même génie, il n'a pas les mêmes mécanismes, il ne fonctionne pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes projets derrière, il n'y a sans doute pas la même conscience, mais toujours est-il que le résultat est là et qu'il est épatant. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il t'a parlé des fourmis quand elles devenaient dangereuses pour l'homme, enfin des cas où, par exemple, tu sais, il y a des marées de fourmis qui viennent et qui bouffent tout sur leur passage, des choses comme ça ? Non, il m'en a pas parlé. Et c'est probablement dans son livre, en fait. Quand j'ai D'accord. dit que je l'ai lu, j'ai un petit peu triché. J'ai lu le début, j'ai lu la fin, mais il me reste quelques dizaines de pages entre deux que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais je pense que c'était couvert, ouais, parce qu'il dit tout ce qu'il y a à savoir sur les fourmis. Sur les fourmis, ouais, ok. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas aussi scientifique, je pense, mais il y a les verbères aussi sur les fourmis qui sont intéressants. Et oui, et on retrouve certaines choses dont tu as parlé, d'ailleurs, les fourmis citernes, il appelle ça, c'est les fourmis dont tu parlais, là, qui produisent du miella. Mm-hmm. Et il parle aussi verbère, je sais pas si... Miella. Ouais, qui stocke, c'est ça. Il parle aussi verbère d'une catégorie de fourmis qui bloque les entrées de la fourmilière avec sa tête, la fourmi porte, en fait. D'accord. Je sais pas si tu en as parlé, mais c'est pareil, on trouve plein de choses, mais je pense que c'est vu plus, de manière moins scientifique que chez Laurent Keller. Je crois que c'est valide scientifiquement hein, pour ce que j'en ai entendu, ça, oui. Ça tient la route. D'accord. Simplement derrière, ouais, c'est de l'anthropomorphisme, quoi. Ils prêtent des intentions aux fourmis, oui, c'est voilà, exactement, des parallèles. Enfin, les fourmis de Verbère ressemblent à des humains. Et puis d'ailleurs, je crois que c'est tout le but de l'exercice littéraire, quoi. C'est d'avoir un prétexte pour ces métaphores qui doivent nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Mm. Ok, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à propos du dossier là dans l'équipe. C'est bon ? Bon. Écoute, moi, c'est bon, j'ai posé mes questions au fur et à mesure. Ok, ça marche. Et ben, on va passer à la suite. Alors, je m'auto-lance pour mon teasing pour la semaine prochaine. Donc, ça va être un dossier qui va parler de bioéthique. Donc, je ne sais pas si on a toujours un jingle, Alan, pour lancer les teasings, les teasers. Ouais, la minuterie tourne. Vas-y, la minuterie, elle est lancée là, voilà. Ouais. Okay, merde. Tu m'as pris de court. Alors, euthanasie, avortement, procréation médicalement assistée, expérimentation animale, brevetabilité du vivant, don d'organes. Il se peut que votre sens moral soit choqué par les pratiques que je viens d'énoncer. Et si je vous parle de voyages spatiaux, de microscopie électronique, de l'internet, des transistors, des smartphones, je pense que ces technologies ne devraient pas du tout vous poser de problème. Et pourtant, ce sont toutes les deux, enfin, ces deux listes sont des listes de technologies modernes que l'homme a produites. Alors pourquoi, quand on s'aventure dans le domaine du biomédical, tout devient plus compliqué ? Dans ce domaine, en fait, la science vient interférer avec le droit, avec la morale, avec la religion. C'est un vrai terrain miné, en somme, mais promis, j'essaierai de le traiter en restant factuel et objectif pour vous présenter les faits, parfois historiques, scientifiques ou juridiques, qui concernent les technologies biomédicales aujourd'hui qui relèvent de la bioéthique. Et voilà. Et donc voilà, je m'arrête, c'est fini. Donc voilà, non, c'est vraiment un sujet miné, mais je vais essayer de le traiter de manière scientifique, on va dire. Ah ouais, bah t'as intérêt. J'ai intérêt, ouais, je sais bien. Non, okay. C'est un sujet qui s'annonce passionnant, c'est chouette, je suis très content que tu t'y attaques. Bah merci, ouais, c'est super intéressant, il y a plein de choses à dire, mais il va falloir se cadrer, quoi. Ouais, effectivement. Ok. Bah sinon, on voulait rappeler donc la sortie au Palais de la Découverte, donc elle aura bien lieu toujours le 9 juin prochain. Pour les inscriptions, donc il y a une page pour s'inscrire, donc dont l'adresse va, on va vous donner l'adresse dans les notes d'émission. Et Nico, peut-être que tu voulais parler tu voulais rajouter quelque chose au sujet de la sortie ou pas ? Non ? Non, Nico me fait signe que non. Sur la sortie, pas grand chose à ce que j'avais déjà dit, ce sera très sympathique. Au niveau palais, vous pourrez voir tout ce qu'il y a au palais, plein de choses uniques au monde, des gens qui se font charger à 300 000 volts Et ça leur fait se dresser les cheveux, de l'électromagnétisme avec des bobines qui permettent à des chandeliers de léviter, mais c'est tout à fait normal. Un poulpe qui est très intelligent et dont Alan est déjà fan. Et des fourmis. Il y a quelques fourmis au palais, enfin plein de choses, et puis ça permettra surtout de nous voir. Donc c'est sympa si vous pouvez venir. Ouais, on a déjà quelques inscrits, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous aussi sur la page. Ouais. La page en question, elle a une URL un peu à rallonge, mais vous la trouvez très facilement si vous allez sur podcastscience.fm. Vous avez un petit bloc en haut à droite avec le lien. Vous pouvez y aller directement. Et puisque Nico était censé dire, mais je pense qu'il était concentré sur son dessin, c'est qu'il est en train d'organiser une émission spéciale sur l'histoire du Palais de la Découverte avec des invités, donc des gens du Palais qui vont venir nous en parler. Voilà. Ce sera la semaine précédant la visite, enfin la semaine de la visite. C'est en cours de préparation, mais donc l'idée ce sera de profiter de cette sortie au palais pour faire un petit épisode sur l'histoire du Palais de la Découverte, donc qui est un haut lieu. Alors j'ai découvert, alors c'est pas encore complètement vérifié, mais qu'a priori ce serait le premier lieu de diffusion scientifique au monde. Donc c'est quand même remarquable, et ça c'est vérifié, créé par la même personne qui a créé le CNRS et à la même époque. Donc il y a plein d'anecdotes intéressantes sur ce lieu, et on aura normalement deux personnes, dont une personne qui a bossé 20 ans au Palais de la Découverte, qui bosse encore, et donc il y aura plein de choses à raconter, et un autre qui est depuis un peu moins de temps, mais qui aura tout autant de choses à raconter. C'est des matheux tous les deux, mais ça devrait être sympathique. Voilà. Ok, bah génial. Et donc cette émission, on la fera quand ? On la fera avant la sortie ? Ouais, avant la sortie, mais la date n'est pas encore précise. D'accord, ok. Ça marche. Sinon, je crois qu'on avait une news, je ne sais pas qui c'est qui avait préparé ça. Non ? Ouais, moi j'avais... Bon, c'est pas une news en fait, c'est on va dire une explication d'un phénomène de la vie de tous les jours. La petite explication de Marco, alors vas-y. Voilà, donc déjà, est-ce que vous savez pourquoi le carrelage de la salle de bain paraît si froid quand on marche pieds nus dessus ? Bah, parce qu'il est froid. Non. Parce qu'on est plus chaud que lui. Bah, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le carrelage est à la même température que la pièce. Et donc également, en fait, à la même température que le tapis de bain. Il est en mode même en fait qu'on touche un métal ou du marbre, on a l'impression en fait qu'ils sont plus froids que le reste. Mais en réalité, ils sont pas du tout plus froids. Concrètement, en fait, la température, c'est une mesure, ça mesure en fait la vitesse moyenne des molécules. Plus un objet est chaud, plus les molécules qui le composent bougent plus vite. Donc, quand un objet chaud entre en contact avec un objet froid, ces molécules plus rapides vont entrer en collision avec les molécules plus lentes de l'autre objet et ainsi les accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, ça va les chauffer. Et puis, si un objet est plus froid que son entourage, la chaleur arrivera automatiquement vers lui jusqu'à ce que sa température soit homogène à celle de son environnement. Mm-hmm. Au contraire, en fait, si un objet est plus chaud, la chaleur va s'écouler vers l'extérieur. Et on peut faire une bonne analogie de la situation si on remplace en fait la chaleur par l'eau. Donc, l'eau s'écoule toujours du haut vers le bas, alors que la chaleur s'écoule toujours du plus chaud vers le plus froid. D'accord ? Jusque-là ? Ok, ouais. Donc la température de notre peau, elle est à peu près à 37 degrés, alors que dans notre pièce, tout est à la même température. Donc, je ne sais pas chez vous, mais à peu près 20 degrés, 21. Et donc, lorsqu'on touche un objet de la pièce, il paraît un peu plus froid sur notre peau, parce qu'il est vraiment plus froid que notre peau. En fait, la chaleur s'écoule de notre peau vers l'objet, et ainsi, notre peau qui est privée de chaleur va donner une sensation de froid. Mmh. Voilà. Mais comme j'ai dit au début, certaines choses sont plus froides que d'autres touchées. Ouais. Et l'explication est que certains matériaux en fait, sont meilleurs voleurs de chaleur que d'autres. Ou dit autrement, en fait, ce sont des meilleurs conducteurs de chaleur. Donc ils évacuent mieux la chaleur qu'ils ont pris. Et mieux le matériau va conduire la chaleur qu'il nous a pris, plus il semblera froid sur notre peau. D'accord. Voilà. Donc, il se trouve que la porcelaine du carrelage est un bien meilleur conducteur de chaleur que le coton ou les fibres synthétiques du tapis de notre salle de bain. Et donc, la chaleur de nos pieds va s'écouler plus vite lorsqu'ils sont sur le carrelage que sur le tapis. Ah oui, c'est la même explication. C'est pourquoi comment les fakirs font pour marcher sur le charbon, les braises. C'est qu'en fait, les braises ne conduisent pas du tout la chaleur. C'est les cendres. Conduisent mal, mais après, c'est surtout aussi que voilà, ils laissent pas assez longtemps leurs pieds pour que. Aussi, ouais. tu verras jamais un fakir stagner, rester immobile au milieu des braises. Tu vois, ils sont toujours en train de bouger. Et d'ailleurs, ils sont pas sur les braises, ils sont sur les cendres. C'est les cendres qui. D'accord, oui, c'est pas la chaleur. Il y a une petite couche de cendres, c'est pour ça qu'ils peuvent pas non plus rester trop longtemps. Mmh. Voilà. Okay. Et donc, s'ils ont un peu de corne au pied, c'est encore plus efficace. Ok, donc ça c'était le petit mythe cassé du jour, la petite news de Marco. Merci Marco. Mais c'est encore à toi parce que je pense qu'on va passer à la côte. Donc, jingle. Ah, je sens, je vais y avoir droit. Jingle. Quand tu veux, Marco. Ah, il okay. Faut se lancer. Hein. Alors. It seems to me that the natural world is the greatest source. En plus, si tu me fais rire, j'aurai encore plus de mal. Je recommence. It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement, the greatest source of visual beauty, the greatest source of. Ah, pourquoi j'ai. J'ai pas le mot. Ah ouais, oh, of intellectual interest. It is the greatest source. Of so much in life that makes life worth living. Bon, c'était dur. La prochaine fois, on va choisir. Elle était longue, celle-là. Oh là là, elle était très longue, c'est vrai. Voilà. Vous êtes impitoyable. Oh, ouais. On est terrible. Mais tu progresses beaucoup d'une côte à l'autre en anglais. C'est pour la bonne cause. Ok, t'as une idée de ce que t'as raconté, Marco? Pas trop su. Alors, il me semble que. Ben non, je te laisse la traduire plutôt. Ok. Donc en français, ça donnerait. Il me semble que le monde naturel est la plus grande source d'excitation, la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel. C'est la plus grande source de tant de choses dans la vie que ça rend la vie digne. Enfin, ouais, ça rend la vie digne d'être vécue. Et c'est de David Attenborough. Waouh! Magnifique. Profond. Ouais, ouais profond. C'est vrai en plus. Hein, moi, c'est, je trouve que c'est très très vrai. Quoi. Voilà. Ouais. Ok. Bon, pas d'autres réactions. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On se donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine, pour notre prochaine mission sur la bioéthique. On dit un grand merci à Nico pour ses dessins. On les a pas tous commentés, mais enfin moi, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont bien fait marrer. Et puis j'ai l'impression que ça a bien plu aussi sur la chatroom. Et puis bah, donc on se dit à la semaine prochaine, donc jeudi 24 mai, donc le jeudi, hein, à 8h30. Donc ce sera moi qui présenterai le dossier sur la bioéthique. Ah oui, et donc c'est un dossier en deux parties, donc ce sera la première partie. Voilà, bah, ciao tout le monde. Ciao Franck, ciao tout le monde. Salut à tout le monde dans la chatroom. Merci d'avoir été là, d'avoir essuyé les plâtres du premier live nouvelle formule. C'était bien cool. À tout bientôt alors. Semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Salut.